Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette dernière édition du journal parlé en français pour ce 8 février 2018. En voici les grandes articulations. Début ce jeudi de l'enrôlement des électeurs dans tout le pays et à l'extérieur du pays pour le référendum constitutionnel de mai prochain et les élections de 2020. On fait le topo en mairie de Bujumbura et ailleurs dans les provinces. Alors que toute propagande avant l'OTAN sur le référendum constitutionnel est interdite et punissable par la loi, le gouverneur de la province Ruyigui n'a pas mâché ses mots lundi en appelant la population à voter en faveur du projet de constitution amendé. Vous entendrez tour à tour Abdallah Hassan et la mise au point de l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nahiraj. Des exactions restent toujours impunies au Burundi. C'est le constat que fait l'envoyé spécial des Pays-Bas dans la région des Grands Lacs. Robert Jan Tiger l'a déclaré ce mercredi lors d'une conférence de presse sanctionnant sa visite de 2 jours au Burundi. Il a tenu à préciser que prétendre promouvoir des libertés politiques et individuelles sans une presse libre, faut pas rêver, vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Début ce jeudi de l'enrôlement des électeurs dans tout le pays et à l'extérieur pour le référendum constitutionnel de mai prochain et les élections de 2020. L'activité a connu un léger retard pour commencer en mairie de Bujumbura, comme a pu le constater notre reporter. Le président de la commission électorale provinciale explique qu'ils ont mis du temps pour rassembler le matériel nécessaire. Reportage Oban Yonguru. Jusqu'à 10 heures passées, l'enregistrement des électeurs n'avait pas encore commencé en mairie de Bujumbura. Sur plusieurs centres d'enregistrement, en commune Mukaza, Nahangwa et Muha, certains futurs électeurs avaient répondu au rendez-vous à temps, mais il n'y avait pas d'agent recenseur. Les lieux d'enregistrement avaient été aménagés. Le responsable de la commission électorale provinciale indépendante en mairie de Bujumbura dit que ce retard est lié aux problèmes logistiques, mais qu'il a été réglé. Terence Bizimana. Bon, il s'est remarqué un petit retard qui a été causé par la disponibilité des matériels. Et il a fallu qu'on puisse mettre à disposition des agents recenseurs tout le matériel, mais ça a pris un peu de temps. C'est la raison pour laquelle ça traînait. En zone Nyakabiga, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, a lui aussi répondu à ce rendez-vous. Il dit que l'enrôlement est comme un ticket qui va permettre à tous les Burundais de participer aux prochaines échéances électorales. Nous sommes ici pour nous enregistrer afin de préparer les élections en rapport avec le référendum constitutionnel et aussi avoir un ticket pour aller aux élections générales. Donc nous venons ici pour acheter un ticket qui nous permettra d'aller à la compétition ou d'aller assister au match. Vous n'allez pas aller à la compétition sans pouvoir avoir le ticket et pour participer à toutes ces activités. Le président de la CPI Bujumbura, Terence Bizimana, assure que dès demain, l'enrôlement des électeurs commencera à temps, c'est-à-dire de 8h à 17h. Merci Aubin Nyonguru. Et dans les provinces, un des agents recenseurs de la commune Nyamurenza en province Ngozi est sous les verrous depuis l'avant-midi de ce jeudi. Au cachet de la police judiciaire Ngozi, nous aurons les précisions de notre correspondant Apollinaire Muzagara. Nous tentons d'entrer en ligne avec lui. Et dans la ville de Gitega, la participation à l'enrôlement était faible dans les différentes écoles où se déroule l'activité. Certains précisent qu'ils se rendent d'abord au travail. Et dans la ville de Rumonge, certains disent n'avoir pas su ce rendez-vous. D'autres estiment qu'il y a encore du temps. Le constat a été le même en province Muyinga, ce premier jour du recensement électoral allant jusqu'au 17 courant. Et les registres et les autres documents de recensement qui a commencé ce jeudi vont être conservés par les agents recenseurs eux-mêmes. C'est le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante qui le dit, rassurant qu'il n'y a aucun risque que ces agents continuent l'enrôlement des électeurs en dehors des heures fixées. Prosper Naugwamiye précise que la chaîne de contrôle a été renforcée pour éviter de tels dérapages. Suivez-le au micro de Joseph Sabiyabandi. Le matériel sera sous la responsabilité directe de l'agent recenseur. Il devra rendre compte du matériel lui donné au début et à la fin de l'opération. Et quelles sont les heures fixées de recensement par jour? L'activité commence à 7h30 du matin et se termine à 17h30. L'inscription en dehors de ces moments ou de cette période est interdite. L'inscription en dehors du centre d'inscription ou de l'unité ou du bureau d'inscription est interdite. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont faire l'enrôlement chez eux. Étant donné que le matériel sera conservé par les agents recenseurs, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un risque que ces agents puissent continuer ce travail en dehors des heures réglementaires? Il n'y a pas de risque puisqu'il y a ce qu'on appelle une fiche de rendement journalier. C'est-à-dire à la clôture de l'opération journalière, il y a une fiche qui est complétée par un agent recenseur. Cette fiche doit être signée par l'agent encadreur. Je donne un exemple direct. Si un agent recenseur à l'Ekofo Nyamutobo a enregistré le premier jour 10 personnes, dans sa fiche de rendement journalier, il va signer 10 personnes, l'agent encadreur va signer 10 personnes, la CECI va signer 10 personnes. Il ne faudrait pas que le lendemain matin, on trouve que sur le registre, il a enregistré 15. Il devra justifier les 5 supplémentaires quand il les a enregistrés. Et dès que c'est constaté, non seulement il sera sanctionné administrativement, mais les sanctions pénales aussi vont suivre. Et s'il advient que cette erreur continue, c'est-à-dire même l'agent recenseur, plutôt l'agent cadreur est complice, le membre de la CECI est complice jusqu'à la CEPI. Donc il y a des niveaux de contrôle à chaque palier d'enrôlement, à telle enseigne qu'au niveau de la CENI, on n'a pas de doute, l'enrôlement va se dérouler correctement. Prosper Naoguamiye, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Le gouverneur de la province, Ruyigui, demande à sa population de voter en faveur du projet de constitution qui sera bientôt soumis au référendum. S'exprimant ce lundi à l'occasion de la célébration de l'adoption du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale, le gouverneur a dit que pour lui, des résultats dépendront de ce qu'il appelle décision prise par les responsables de différents secteurs de la vie de sa province. Suivez-le, il est traduit en français par Elie Nibel. Nous vous interpellons, tous les élèves, vous qui négligez et la population qui néglige encore. Pour asseoir l'unité durable, nous devons voter en faveur de la nouvelle constitution comme nous l'avons procédé pour la charte de l'unité nationale. Que personne ne vous trompe que cette constitution vient pour détruire les accords d'Arusha. Les Tutsis à 40% vont y tirer profit. Les Hutus à 60% feront de même. Et les Batois seront dans les institutions sans être allés dans la compétition. C'est-à-dire qu'eux aussi sont appelés à voter positivement. Mais ces Hutus à 60%, les Tutsis à 40%, sans oublier les femmes à 30%, sont des Hutus et Tutsis et Batois dignes de foi et patriotes. Pour le moment, comme le président de la République nous l'a signifié, c'est une année de prendre une décision. Plus particulièrement, vous les responsables. Celui qui ne va pas décider dans l'intérêt du pays, on va prendre une décision pour lui. Si le gouverneur ne prend pas sa décision pour protéger sa province et le pays, une décision sera prise pour lui, car il sera dans l'incapacité. Nous voulons que la province de Ruyigui vienne en première position cette année. Nous avons assez de la troisième place. Ici, je m'adresse aux directeurs provinciaux d'enseignement, comme aux autres directeurs, allez prendre des décisions appropriées pour que nous soyons les premiers dans le secteur de santé ainsi que dans le domaine administratif. Dans la police et l'armée, procédez ainsi pour les irréguliers. Nous sommes au courant que vous les arrêtez chaque fois, mais soyez plus sévères qu'avant dans les décisions que vous prenez pour l'intérêt du pays et pas pour des intérêts personnels. Le gouverneur de la province de Ruyigui, et je vous l'avais dit, l'assistant et porte-parole du ministre de l'Intérieur a fait une mise en point en rapport avec des sanctions prévues, cette interdiction de propagande. Personne n'est autorisé donc à enseigner le vote oui ou non à la constitution burundaise en ce moment. Ceux qui le font aujourd'hui commettent des délits punissables par la loi. C'est ce que rappelle l'assistant et porte-parole du ministre de l'Intérieur, Terence Naira Aja, rappelant également que cette période de propagande est prévue par la loi et devra durer 2 semaines d'avant le référendum proprement dit. On l'écoute. J'aimerais lancer en appel après ça encore une fois. Si nous faisons un clin d'œil à toutes les personnes qui s'arrogent le droit d'aller enseigner, voter oui ou voter non à la Constitution avant longtemps. Comme vous le savez, il y a un communiqué émanant du ministère de l'Intérieur de la Formation Patriotique qui a été déjà lancé, qui interdit toute personne de le faire. Il faut que tout le monde patiente. L'occasion va se présenter quand il y aura bien sûr le décret du président, mais également l'arrêté du président de la CENI qui va préciser la campagne de voter oui ou non le présent projet de Constitution. Ça sera justement quelques 16 jours avant le référendum, au nom de bien entendu 14 jours, les politiciens, la société civile et les autres ont l'occasion d'aller dans leurs membres et de pouvoir enseigner cela sans difficulté aucune. Et deux jours avant, ils devront arrêter pour se préparer au référendum. Donc, je fais un crédit. Quiconque sera attrapé en train de le faire sera sanctionné conformément à la loi. Même moi-même, quand j'avais commencé à expliquer à Romongue, vous savez, j'avais dit voter oui. Une fois constaté que j'ai violé la loi, j'ai dit non. Il faut plutôt qu'on communique à tout le monde que c'est interdit. C'est pourquoi le communiqué est sorti. Et il faut, comme nous aussi, qui sont chargés de mettre en application la loi, nous la respectons. Il faut que tout le monde aussi la respecte. Nous devons être un modèle. Nous avons changé de comportement. Il faut que tout le monde change et attende patiente et attende le moment opportun pour le faire. Terence Nahira Jassé, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et vous l'avez suivi de la part du porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Des sanctions sont prévues pour les agents recenseurs qui se méconduisent. Eh bien, un des agents de la commune Nyamurenza, en province Ngozi, est sous les verrous depuis l'avant-midi de ce jeudi. Il est au cachot de la police judiciaire en Ngozi. Il est accusé de falsification dans l'enregistrement de l'identification d'un électeur, chose qualifiée de sabotage par le président de la Commission électorale provinciale indépendante en Ngozi. Apollinaire Muzagara, il est en ligne depuis Ngozi. Selon le président de la Commission électorale provinciale indépendante en Ngozi, ce jeune étudiant Jérôme Nimouona a été attrapé en train de faire deux faux enregistrements de l'identification des électeurs. C'était sur la colline Gatwe, commune Nyamurenza de cette province. L'exemple selon Paulo Nionzima, écolieu d'enregistrer le vrai nom de Basile Wunguka, c'est-à-dire recenseur écrivé Wazunguka. Cela pour que l'individu ne se trouve pas sur la liste des électeurs, explique-t-il. Aussi d'après le président de la CEPI Ngozi, Jérôme Nionzima mettait la date de naissance de l'inscrit à la place réservée à la date d'inscription. Il ne mettait même pas son nom et sa signature sur le récépissé. Le président de la CEPI Ngozi ne parle pas d'erreurs commises par mégarde, mais plutôt de sabotage de ses activités d'enrôlement des électeurs. Selon lui, de telles erreurs ne peuvent pas être commises par un étudiant de l'université qui a subi une formation à la matière. Aussi, sur plus de 10 personnes, a-t-il ajouté. Jérôme Nimouona est déjà sous les verrous au cachot de la PJ Ngozi pour la poursuite des enquêtes afin de connaître les mobiles de ce faux. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Isanganiro, la radio de l'avenir. Également dans l'actualité, deux députés burundais de la communauté est-africaine, Christophe Ndouayo, issu de la coalition Amizero y'Abarundi, et Léontine Nzeyimana du parti CNDD-FDD, ont été élus membres du bureau de l'EALA hier mercredi à Kampala, en Ouganda. Et parmi les objectifs qu'ils s'assignent, selon Christophe Ndouayo, figure la relance d'une libre circulation au niveau des frontières, notamment entre Burundi et Rwanda. Le député Ndouayo qui dit que le fait d'être élu membre de ce bureau est une victoire pour sa coalition, mais surtout pour les Burundais. Suivez-le dans cette traduction en français de Léonce Vitalio. Premièrement, c'est une victoire pour les Burundais, mais aussi pour Amizero y'Abarundi, car ce ne serait pas bon que le pays soit représenté par un seul parti politique. Ce que nous allons faire, c'est de soumettre les problèmes des Burundais au niveau de cet organe sous-régional pour que nos compatriotes puissent circuler librement dans la région. Et puis, ce sera l'occasion de suivre de près la mise en application de certaines lois qui tardent à être appliquées suite à certaines autorités. Le premier objectif, c'est de demander que les lois qui sont votées soient mises en application. Il faudra aussi demander que les frontières qui ont été fermées soient rouvertes. C'est l'exemple entre les Burundais et les Rwandais qui ont vu leur business bloqué, alors que normalement, qui dit communauté dit intégration. Et l'intégration n'est pas que pour les hautes autorités, c'est aussi le bas peuple. Le marché commun, la monnaie unique, ça aussi, on va y travailler. C'est une bonne chose. Il faut bien voir comment cela puisse être une réalité d'ici 5 ans ou même 2. Des exactions restent toujours impunies au Burundi, c'est le constat que fait l'envoyé spécial des Pays-Bas dans la région des Grands Lacs dans une déclaration lors d'une conférence de presse mercredi sanctionnant sa visite de 2 jours au Burundi. Robert Jan Tirguer a fait savoir que le respect des droits humains est l'un des piliers de la coopération de son pays avec d'autres pays. Selon lui, une presse libre et indépendante est un préalable pour promouvoir des droits politiques et individuels. Écoutez. Dans notre politique extérieure, le respect des droits humains, c'est un des points clés. Donc, pendant toutes les visites qu'on fait sur le terrain, dans tous les pays, pas seulement dans les régions des Grands Lacs, on parle des droits humains, c'est essentiel. Nous sommes évidemment au courant qu'il y a des problèmes dans le domaine, disons, d'impunité et des exactions. Nous avons vu des rapports, comme vous tous, j'en suis sûr. Disons que nous sommes très très convaincus qu'il faut faire tout possible pour terminer ces violations des droits de l'homme, pour terminer l'impunité et aussi de notre côté. Nous voudrions bien soutenir toutes les initiatives dans ce domaine qui sont développées. Pour la vie politique, c'est essentiel d'avoir une presse libre et indépendante. De cette perspective, je suis content qu'il y ait autant de vos collègues ici. Il faut souligner l'importance des droits humains, de l'espace politique, des droits individuels pour s'exprimer. Ces ensembles de droits politiques, une presse libre est également extrêmement importante. Également dans l'actualité, c'est ce réveil des consciences de la part de l'organisation PARSEM qui regrette que des indicateurs de développement ne sont pas pris en compte au Burundi. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, Faustin Dikoumana, président de cette organisation, trouve que ces indicateurs devraient être suivis pour que le pays atteigne le développement. Suivez. PARSEM, c'est une analyse où il montre 6 indicateurs, 6 signaux qui montrent qu'un pays est en train de s'engager dans la lutte contre la pauvreté effective. Lesquels ? 1. Avoir un document de référence, nos visions de développement qui tient compte des potentialités dont dispose le pays. 2. C'est appliquer la réforme du budget programme dans un contexte de rigueur et de contrôle budgétaire. Budget programme qui s'est centré sur le résultat des programmes mis en œuvre. 3. C'est le pays qui s'engage dans un vaste programme de réforme et de changement de comportement pour soutenir vraiment le développement du secteur privé. Quatrièmement, c'est la corruption. Parce que la corruption reste le premier cancer qui ronge les piliers de développement d'un pays. Cinquièmement, c'est une décentralisation effective qui aboutit à la monétarisation du monde rural. Sixièmement aussi, c'est cette situation de conflit politique, de zéro conflit politique, qui améliore l'image d'un pays. Cette situation de zéro conflit politique doit faire place à un leadership fort visionnaire qui enclenche un changement de comportement dans le pays des mentalités. En fait, quand on est dans cette logique, les incapables doivent fuir parce qu'il y a un résultat qu'on demande. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. Dans le reste de l'actualité, ce sera pour terminer ce journal. Une grenade a explosé dans un ménage de Munini en commune et province Bururi vers 3 heures du matin ce jeudi. Les auteurs de ce coup qui a brisé certains des vitres de la maison et de la voiture d'un certain Nyanzira n'ont pas été identifiés selon la police à Bururi. De son côté, le chef de zone Munini tranquillise sa population et l'appelle à veiller sur sa sécurité jour et nuit. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle qu'a débuté ce jeudi l'enrôlement des électeurs dans tout le pays et à l'extérieur pour le référendum constitutionnel de mai prochain et les élections de 2020. Alors que toute propagande avant le temps sur le référendum constitutionnel est interdite et punissable par la loi, le gouverneur de la province de Ruyigui n'a pas mâché ses mots lundi en appelant la population à voter en faveur du projet de constitution amendé. Vous l'avez suivi. Également, vous avez suivi la mise au point de l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nairaja, qui a dit que c'est punissable par la loi. Et des exactions restent toujours impunies au Burundi. C'est le constat que fait l'envoyé spécial des Pays-Bas dans la région des Grands Lacs. Robert Jan Tiger l'a déclaré ce mercredi lors d'une conférence de presse sanctionnant sa visite de 2 jours au Burundi. Il a tenu à préciser que prétendre promouvoir des libertés politiques et individuelles sans une presse libre, faut pas rêver. Vous l'avez également entendu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Douayo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent. Une bonne soirée. Thank you.